Section 41 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 41. Croquis de février par Gustave Geffroy. Chapitre 1. Mardi gras. Il paraît que c'est bien définitif. On ne reverra plus de bœuf primé s'en aller triomphalement à l'abattoir, entre deux bouchers déguisés en Hercule. On ne reverra plus la folle mascarade emplir le boulevard de ses cris et de ses couleurs, taper sur le ventre des redingotes et donner des renfoncements aux chapeaux hauts de forme. La foule mélancolique qui erre pendant 3 jours, le dimanche, le lundi et le mardi gras, de la Bastille à la Madeleine et de la Madeleine à la Bastille, fait cette année, pour la 18e fois depuis 1870, la même constatation. Tout le monde sort pour voir des déguisés. Personne ne veut se déguiser. Et les chroniqueurs peuvent s'en aller chez eux, citer encore une fois les mystiches fameux de Musset. Le carnaval s'en va. L'année qui suivit la guerre, par un accord tacite, on supprima la promenade du bœuf gras et la mascarade qui l'accompagnait. Depuis, on n'a pas eu la pensée de les rétablir. Les questions qui se sont posées à tous, de tous les côtés, n'ont laissé à personne le goût, ni le loisir de se grimer le visage et d'endosser des vêtements chamarrés. Bien plus que le carnaval, la gaieté s'en va. On aurait toutes les peines du monde à trouver aujourd'hui un homme absolument gai. La littérature actuelle est le reflet exact des mœurs de notre monde de fer. La rêverie pessimiste est maîtresse du livre et l'étude sociale est depuis longtemps installée au théâtre. L'ancien journalisme, où un mot bien tourné et une nouvelle drôlement racontée dispensait les auteurs de toute pensée et de toute étude, ce journalisme-là a à peu près vécu. La place est large, faite aux problèmes que nous devons résoudre, sous peine de ne plus être, et les mots de la fin sont devenus des mots de combat. C'est cet état général qui a tué le carnaval. La fumée des usines a noirci notre ciel. Nos vêtements portent le deuil de nos chimères, et voilà pourquoi il n'y a plus par les rues, entre les maisons grises, que des vêtements gris, noirs, bleus foncés, marrons inventés, disait Théophile Gautier en le déplorant, par une civilisation peu coloriste. Voilà pourquoi nous allons tous sur le boulevard pour regarder passer les masques qui ne passent plus. Le mardi gras, des foules considérables descendent et montent les rues qui conduisent au boulevard. Il vient des gens de tous les faubourgs, de toutes les banlieues. Le flot humain déborde des trottoirs, roule à pleine chaussée, empêche les voitures d'avancer entre le château d'eau et la Madeleine. Tout le long du trottoir, on forme la haie, une double, une triple, une quadruple haie. Aux fenêtres des cafés, on s'entasse. Aux balustres des trottoirs, surélevés, on s'accoude. Toutes les faces expriment la préoccupation et l'inquiétude des grands jours de la vie publique. Tous les coups tendus, tous les regards fixes, disent l'attente du rare événement, enterrement de grand homme ou promenade d'un souverain des mille et une nuits. Sans doute, vont apparaître les panaches du corbillard ou une vague cavalerie d'apparat, quelque chose comme des huissiers à cheval. La clameur va s'élever, les enfants vont rire à de l'inconnu en marche. À coup sûr, cette population en toilette, chapeau brossé, gants ajustés, est là pour voir n'importe quoi, et certainement le n'importe quoi va venir. Non. Rien. Il ne vient rien. C'est pour le carnaval qu'on est venu. Et le carnaval ne se montre plus au jour. Les jambes courvêtues ont peur du froid et les couleurs tendres n'affrontent plus la lumière grise. À quelques petites filles qui défilent gravement, on a mis une coiffe de toile bise sur la tête et une boîte à lait dans la main. Quelques petits garçons ont été munis d'un habit d'incroyable, d'un lorgnon et d'une canne. Une fois par heure, défile un bébé et un mousquetaire. Voilà le carnaval des boulevards. C'est à peine si de temps à autre, un vêtement bariolé, décroché chez le mauvais faiseur, fait s'écarter respectueusement les porteurs de paletots et de jaquettes austères. On regarde avec un étonnement profond l'être héroïque et antidiluvien qui a osé se vêtir de rouge et de bleu pour divertir ses contemporains. Pour un peu, on acclamerait la pauvre créature qui passe en frissonnant dans son collant, en boitant dans ses souliers Louis XV. Le débardeur est l'incroyable, le monsieur au goût simple qui a mis un faux nez, la femme habillée en homme, cette chose égrillarde, et l'homme habillé en femme, cette monstruosité. C'est ici que l'on peut essayer de caractériser l'actuelle recherche du plaisir, le génie d'invention des vivants d'aujourd'hui. Il est bien vite trouvé ce plaisir, et l'invention est de courte portée. Parcourez les boulevards et les faubourgs, les avenues et les squares, traversez Paris du nord au sud et de l'ouest à l'est. Faites le tour de la ville, pénétrez dans la banlieue. En vérité, oui, vous serez bien vite convaincu que tout l'effort d'imagination de ceux qui veulent s'amuser quand même consiste, pour les femmes, à s'habiller en homme, pour les hommes, à s'habiller en femme. Si la femme est seule, sa démarche gênée longera les murs et un peu de sang rose lui montera aux oreilles, sous le regard des galantins. Si l'homme est seul, il arpentera le pavé en grandes enjambées d'ivrognesse, dans la cohue gesticulante et criante des gamins ameutés. Le spectacle n'est curieux que si les deux êtres qui ont changé de vêtements marchent côte à côte, en une lente promenade, grave, silencieux, recueilli. En voici deux qui s'avancent, d'un pas mixte, l'époux et l'épouse, on peut le croire. Elle, un peu courte, un peu grasse, a diminué par de simples retroussis les jambes du pantalon et les manches du par-dessus. Son chignon est relevé, dissimulé sous le haut de forme, posé un peu de côté. Elle donne le bras au monsieur habillé en femme. Elle tire des bouffées d'une cigarette. Elle tourmente un stick. Elle essaye d'allonger le pas, mais ses jambes se serrent comme celles des baigneuses pudiques, des chastes Suzanne en peinture ou en marbre. Son corsage, ses reins, ses cuisses remplissent trop le vêtement étriqué, font songer à une enflure subite, à l'accroissement maladif d'une mauvaise graisse. Il reste un charme pourtant sur son visage de timide, aux joues enflammées, aux yeux baissés. La petite personne imberbe fait surgir chez les passants les mêmes idées grivoises que les rôles travestis font naître dans les cervelles congestionnées des spectateurs de théâtre. La femme habillée en homme garde aussi de la grâce gamine et de l'effronterie vite effarouchée du collégien qui veut fumer, faire tournoyer une canne, aller au café, parler à une servante de brasserie. C'est lui qui est affreux, c'est lui qui fait lever le cœur. Lui, l'homme habillé en femme. Le chapeau à fleurs ne s'ajuste pas sur sa tête pelée. Les rubans flottent sur son cou dégarni. Le coton rembourre peu son torse plat et sa taille carrée. La robe tombe à plis raides sur les hanches osseuses et là-dessous, des jambes de fantassins habituées à l'étape, des pieds chaussés de bottes vont et viennent brutalement. Si les pieds sont mal chaussés, les mains sont également mal gantées. Les extrémités accentuent le goût canaille de ce rôle d'un jour. La voilette veut cacher le menton rasé et les moustaches qui n'ont pas été sacrifiées. Le nez est long, les oreilles larges, le teint bistré et tanné comme un cuir. Ici, l'idée de travesti disparaît. On ne sait pourquoi, le costume semble adopté pour des commodités innommables, pour l'accomplissement de promenades obligées et de basses besognes. La fantaisie de la femme sur laquelle le compagnon appuie sa lourde minauderie, cette fantaisie s'aggrave du voisinage, et le couple, androgyne, réalise platement, en son symbolisme bourgeois, les désirs stériles, les perversions sexuelles que constate la médecine et que célèbre parfois la littérature. L'idée traverse la cervelle et s'évanouit. Les distractions avidement cherchées par ceux qui s'ennuient ne sont pas si caractéristiques. Les gens regardés se perdent dans le défilé sans fin et d'autres semblables apparaissent et ce n'est plus que la succession des apparitions ridicules des pauvres êtres qui ont voulu égayer les jours gras. Il n'est resté qu'une tradition de l'ancien carnaval. On promène les enfants, les tout-petits. Ceux de 13 ans ont déjà un masque de réserve et d'ennui sur le visage. Déguisés en mousquetaire, en marquise, en pierrot, en bouquetière, en laitière. Les commerçants qui vont voir jouer des comédies modernes en vers et qui lisent des articles de revue sont eux-mêmes forcés de s'arrêter et de sourire au défilé de ce cortège de l'illusion qui passe devant les mines sérieuses, la gravité d'allure que prend le bonheur de ce petit monde. Les joues de pêche effleurées d'un soupçon de poudre de riz, les cheveux blonds, brillants et lourds comme de la soie floche, sur lesquels a neigé la poudre à la maréchale. Les bavolets de toile blanche et la dentelle bise, les robes de conte de fées, couleur de soleil, les rubans couleur de feu. Tout cela est resté intact et respecté à travers toutes les années en deuil. Il n'y a pas d'inconvénient, après la disparition des masques crottés, à garder cette annuelle promenade enfantine qui conserve tout ce que le carnaval a eu de grâce et de gaieté. Et pourtant, quoi que ce soit dire toujours la même chose que de constater cette année, comme on l'a constaté les autres années, l'absence de masques et de déguisements dans la foule, cette même foule reviendra encore l'an prochain et pendant de longues années encore et se promènera de nouveau de midi à minuit, entre la colonne de la Bastille et l'église de la Madeleine, pour voir le bœuf gras, à jamais invisible, pour fixer un peu d'or et de couleur sur le papier d'imprimerie. Il faudra évoquer sans cesse cet immuable défilé des mascarades du bas âge, chercher à travers les rangs épais des promeneurs, les bambins et les fillettes habillées en hussard et en laitière, en pierrot et en marquise. Sans doute, le souvenir des féroces crayonnages de Daumier risquera de se glisser entre les lignes de la description. Mais peut-être trouvera-t-on tout de même, au bout de la plume, l'épithète fortuite que fait revivre fugitivement un œil candide, une petite main perdue dans de la dentelle. Bah, chaque année, le pastel effacé est ravivé par les crayons habiles des dessinateurs d'actualité. On peut rester là jusqu'à l'année suivante. On n'en verra pas davantage. Et voilà 18 ans que les choses vont de cette façon. 18 ans que Paris vient silencieusement s'informer si Paris recommence à s'ajuster un faux nez, à s'agrafer un petit manteau, à se rembourrer le mollet de coton. Paris constate une fois de plus que Paris en est toujours au pantalon gris, au par-dessus marron et au parapluie de serge cuite. Et Paris rentre chez lui, manger des crêpes, ce qui est encore le plus raisonnable de l'affaire. Mais dans un an, à pareil jour, l'excursion sera recommencée. Qu'on vienne après cela nier l'hérédité. Cette sortie de tout un peuple, pendant les jours gras, n'est qu'une habitude continuée, alors que le motif ancien de cette habitude n'existe plus. Les gens d'aujourd'hui savent vaguement, par eux-mêmes, ou parce qu'ils l'ont entendu dire, à des prédécesseurs bien renseignés, qu'il y a eu une époque où, en allant à un certain endroit, à une certaine heure, on avait chance de voir circuler des chars mythologiques, des amours roses, se prélassant sur des bœufs invraisemblablement gras et enguirlandés, des soldats qui avaient l'air de revenir des croisades, des débardeurs qui semblaient descendre d'une courtille, régie par des costumiers irréprochables. On a bien appris de façon à peu près sûre que les bœufs gras et leurs cortèges ne stationnent plus sous les fenêtres des ministres, que la figuration militaire a été tacitement supprimée dans la ville assiégée, bombardée et incendiée. N'importe, l'instinct est le plus fort. On se souvient vaguement qu'enfant, on était mené là, à ce coin de rue, sur ce banc, à cette fenêtre, pour voir les masques. Et les grands enfants d'autrefois mènent à la même place les enfants d'aujourd'hui. Ceux-ci, plus tard, sentiront s'agiter en eux les âmes curieuses de leurs parents et de leurs grands-parents. Ils retourneront à leur éternel poste d'observation, tenant sous le bras leurs femmes et à leurs mains les tout-petits, qui oublieront le froid pour sourire de leur mignonne bouche et regarder de leurs yeux clairs. Et alors, comme toujours, il ne passera que des sergents de ville. On n'entendra que le beuglement du cornet à bouquin. On ne verra que le hideux être habillé en femme qui fera aller ses bras dans les manches d'un caraco, qui défoncera le trottoir de ses lourdes enjambées. La science trouve, en des organes redevenus rudimentaires, la preuve de fonctions et d'aptitudes anciennes. L'observation morale pourrait ainsi, dans des marches sans but, dans des allées et venues sans motif apparent, retrouver la trace des préoccupations humaines disparues. La foule qui cherche le carnaval, qu'elle sait aboli, la foule qui court à la guillotine, qu'elle sait invisible, réalise d'une manière saisissante ce problème de la transmission des mouvements physiques et des états intellectuels. N'est-ce pas que subitement, elle prend une significative allure et une importance emblématique, cette foule qui barre la ville de sa ligne vivante, cette foule qui sait ne rien voir et qui vient voir, qui sait n'avoir rien à attendre et qui attend. Qui attend, pendant une demi-journée, du truc et de la féerie, de la fantaisie et de l'insaisissable, du charmant et de l'extraordinaire. Le passage d'un feu follet, le char de la reine des fées traîné par des scarabées, une nuée chevauchée par un esprit. Fin de la section 41, lue par Margot.